bouleversé par tous ces morts de cette thèse du 93 killer. On veut des lophoniques l'inspecteur. Les détracteurs n'ont qu'à bien se tenir. Ce soir c'est horrible et horrible, c'est 93 musique. Trop de morts dans cette thèse du 93 killer. On veut des lophoniques l'inspecteur. Les détracteurs n'ont qu'à bien se tenir. Ce soir c'est horrible et horrible, c'est 93 musique. La rue t'accueille à bras ouverts comme un nouveau-né. Tu grimpes sur ta première bécane comme sur un poney. Traîne cette pute de république dans un état potel. Je tolère pas ce que la France nous promet. T'as trop les barres, colère en direct live de la fournaise. J'ai su lever le poing le jour où mes rêves s'écroulaient. Hommage au corps troué de balles qui sont partis trop tôt. Écroué en cas jugé ou en mandat de dépôt. La météo du général annonce que de l'orage. Endurci parce qu'après la pluie arrive la tornade. Le cœur bat la chamade parce que le drame n'est jamais très loin. 11:43 vers une terrasse de café et tu pleures un défunt, même les pires crapulés ont une famille qui doit les pleurer. Il ne reste plus grand chose de nos âmes à sauver. Autour de moi c'est tout le monde qui m'a l'air étranger. J'ai 93 chargeurs pour un seul tarpé. Bouleversé par tous ces morts de cette thèse du 93 killer. On veut des lophoniques l'inspecteur. Les détracteurs n'ont qu'à bien se tenir. Ce soir c'est horrible et horrible, c'est 93 musique. Trop de morts dans cette thèse du 93 killer. On veut des lophoniques l'inspecteur. Les détracteurs n'ont qu'à bien se tenir. Ce soir c'est horrible et horrible, c'est 93 musique. Crime anti-robot cop, crapuleux comme Claude Genova. Dans tes actes la vie est brutale comme Crocop. Ta coque charclée par un crack-game meurtrier. Bellec, tu peux te faire cané par un camé à découvert. J'ai fait un emprunt d'espoir au bonheur malgré les cris prolongés de ma douleur. Donc non, non, non, non, tu sais que me mettre à terre c'est dangereux. Non, non, ne défie pas la rage de la banlieue. En lieu sûr et caché le butin, aucun résidu de poudre sur les mains. Nique demain, je pense à après-demain. Auprès de moi la ex-pielo armé jusqu'au dent. Dis-moi il est où ce bif qui nous rend au fin. Dis-moi il est où. Le silence est profond quand la blessure devient sourde. Quand un frère sort de tôle, c'est un autre qu'on engouffre. Faut pas se casser si tout n'est pas réglé. C'est tricard comme d'être fiché GB en carrière GT. Bouleversé par tous ces morts de cette thèse du 93 killer. On veut des lophoniques l'inspecteur. Les détracteurs n'ont qu'à bien se tenir. Ce soir c'est horrible et horrible, c'est 93 musique. Trop de morts dans cette thèse du 93 killer. On veut des lophoniques l'inspecteur. Les détracteurs n'ont qu'à bien se tenir. Ce soir c'est horrible et horrible, c'est 93 musique. J'dédicace toute la misère du monde sur les ondes FM. La gloire a mis un coup de fusil à pompe à la défaite. Faut que tu dises à ton boss que la roue va tourner. On ne traverse pas la rue et c'est périple sur le passage clouté. La tristesse c'est mon ami, la mer tue mon poteau. Ta jalousie et sa détresse m'a pris en photo. Si je commande, commande pas encore. Je n'obéis déjà plus, reste dans la merde. Autour de toi y'aura moins de crapules. Mais rien à foutre de ces règles qui viennent ces grosses mères. Quand les éléphants font la guerre, y'a que les fourmis qui décèdent. Je parle au nom de cette génération qui veut auto-tweet. J'ai cette colère pareil à Thomas quand c'est dreadlock swing. Donc t'étonnes pas si quand je chante je m'en bats les glas, oui. Je suis marqué par la haine comme ça et tag moi, oui. Patron de mon label, oui. Inch'Allah qui prospère. Je veux le troisième dans l'air comme à tous mes concerts, yeah. Bouleversé par tous ces morts de cette thèse du 93 killer. On veut des lophoniques l'inspecteur. Les détracteurs n'ont qu'à bien se tenir. Ce soir c'est horrible et horrible, c'est 93 musique. Trop de morts dans cette thèse du 93 killer. On veut des lophoniques l'inspecteur. Les détracteurs n'ont qu'à bien se tenir. Ce soir c'est horrible et horrible, c'est 93 musique.